9. La réhabilitation. Le lendemain, à l'heure convenue, Clément se rendit avec sa sœur chez M. Dorvaux. D'après l'ordre formel de son père, Mademoiselle Mélanie guettait leur arrivée dans un petit salon d'attente. Elle s'empara de Thérèse et la conduisit dans son appartement. Là, continuant à suivre les impérieuses instructions qu'elle avait reçues, elle l'embrassa, mais avec la gravité d'une protectrice plutôt qu'avec l'empressement et l'affabilité d'une sœur. Ensuite, elle lui dit d'un ton aigre-doux, où il était aisé de voir que le cœur n'était pour rien. « Croyez, ma chère, que je ne blâme en aucune façon la volonté de mon père, qui vous fait entrer aujourd'hui dans notre famille. Mon frère méritait certainement une punition plus rigoureuse, et vous aviez droit à une justice aussi complète qu'il était possible de vous la rendre. » « Je vous remercie, mademoiselle, répondit froidement Thérèse, un peu blessée de la singularité de ce début. « Vous ne sauriez vous figurer, reprit mademoiselle Dorvaux, combien toute cette fâcheuse affaire m'a peinée. J'en ai surtout été affligée pour vous, qui allez vous voir unie à un homme que vous ne pouvez ni aimer ni estimer, et qui n'aura pour vous ni l'affection ni les égards dont vous êtes si digne. Hélas, ajouta-t-elle en soupirant, c'est la conséquence obligée de toutes les unions de ce genre. Là-dessus, mademoiselle, je pense absolument comme vous. » Pour vous protéger, l'autorité de mon père ne vous fera sans doute point défaut, non plus que mon amitié pour vous consoler. Cependant, vivre dans un état continuel d'hostilité avec un fils, avec un frère, c'est difficile. C'est impossible, je le reconnais. Aussi ne chercherai-je point à vous détourner d'une résolution que j'approuve. Oui, je crois que vous avez sagement fait, Thérèse, d'exiger la liberté de vous retirer au sein de votre famille, et d'y vivre tranquillement, éloigné de votre mari. Dans cette position, je n'aurais pas agi autrement. « Je suis heureuse de votre approbation, mademoiselle. » D'après cela, je vois que si mon père cherchait à vous retenir au milieu de nous, je ne m'écarterais en rien de la ligne de conduite que je me suis tracée avant de venir ici. Et vous auriez raison. Si vous saviez tout ce que cette prudente détermination vous épargnera d'ennui, de contrariété et de chagrin. Ici, ma chère, et portant notre nom, vous ne pourriez vous dispenser de paraître dans le monde où nous sommes reçus. Or, ce monde a des manières. Des usages auxquels il faut avoir été façonné de bonne heure, sous peine de faire une figure. Mademoiselle Dorvaux hésita. Elle cherchait un palliatif au mot propre. Ridicule, n'est-ce pas, mademoiselle ? Dit vivement Thérèse. Ce n'est pas précisément le mot, reprit mademoiselle Dorvaux, qui pourtant n'y en substitua pas un autre. Enfin, si ce monde dont je vous ai parlé était touché de vos excellentes qualités, ce que je ne mets nullement en doute, il n'en sera que plus porté à vous faire un reproche de ne lui point ressembler par son côté futile et brillant. Il vous froisserait dans vos idées, dans votre susceptibilité. Oui, il se moquerait de moi. Soyez tranquille, mademoiselle. Je sais ce qui me manque, et je ne m'exposerai jamais, en m'attirant les railleries des personnes de votre société, à faire honte ni à vous ni à moi-même. Dieu merci, pensa mademoiselle Dorvaux. Mon père en sera pour ses fantaisies de générosité. Et, dans son contentement, elle donna cette fois à Thérèse un baiser beaucoup plus cordial que le premier, mais dont il ne fut pas difficile à celle-ci de comprendre la valeur. Thérèse était peu disposée à continuer un entretien commencé sur ce ton. « Ne craignez-vous point, mademoiselle, que nous nous fassions attendre ? C'est juste, je vous retiens à causer, et j'oublie que vous n'êtes pas encore prête. Mais je vous demande pardon, je ne parle que de votre toilette. Entre personnes qui vont être parentes, ce sont des choses qui peuvent se dire. Cette toilette, qui vous va très bien d'ailleurs, n'est pas tout à fait ce qu'elle doit être pour une signature de contrat. Le temps vous a manqué, je le sais, mais j'ai pourvu à tout. » Et j'ai choisi dans ma garde-robe. Thérèse l'interrompit. C'est inutile, mademoiselle. Toutes les personnes qui sont ici m'ont vu sous ce costume. Je le portais au moment de l'offense. Je me fais un devoir de le porter au moment de la réparation. Cette réponse est faite d'un ton si ferme et si décidé que mademoiselle Dorvaux ne croit pas devoir insister. Elle se rend avec Thérèse au salon. Le notaire et les personnes invitées y sont déjà réunies. Monsieur Dorvaux s'empresse d'aller au-devant de Thérèse et l'amenant au milieu du salon. « Messieurs, dit-il d'une voix haute et propre à inspirer le respect, je vous présente mademoiselle Thérèse Toussaint, la fiancée de mon fils, que je vais bientôt m'estimer heureux de pouvoir appeler ma fille. » Monsieur Dorvaux était un de ces hommes qui, lorsqu'ils ont une fois pris leur parti, en admettent franchement et noblement toutes les conséquences. Cette première formalité a trouvé les amis de Fulgence préparés. Il a eu le temps de les prévenir. Il s'est fait auprès d'eux un rôle de victime filiale. Il n'a pas manqué de faire sonner bien haut, au moins il obtiendra une sorte de compensation par l'exil de sa femme dans une province éloignée, dès le lendemain de son mariage. Par un de ces retours si ordinaires de l'esprit humain, à peine Thérèse a-t-elle paru que ce n'est plus Fulgence qu'on plaint, mais la jeune fille gracieuse et jolie qui doit subir de si dures conditions. Cependant, les articles du contrat ont été dressés sous la dictée de M. Dorvaux. Il ne reste plus qu'à les faire connaître aux intéressés. L'officier ministériel en commence la lecture. Une des clauses stipule que Mademoiselle Thérèse Toussaint, apportant en dot une terre d'une valeur de 200 000 francs, située au bourg de Saint-Georges, département de Maine-et-Loire, conservera sans contrôle le droit d'administrer ce bien, d'en percevoir les revenus et de disposer de ces revenus à son gré. Clément interrompt le notaire. « Voici une clause que nous ne saurions accepter, dit-il à M. Dorvaux. Telle n'avait pas été nos conventions. » Il n'y sera pourtant rien changé, répond M. Dorvaux avec fermeté. Je n'ai point fait hier d'objection à vos conditions. J'espère qu'aujourd'hui vous voudrez bien ne pas vous opposer aux miennes. J'admire votre générosité, réplique Clément, mais notre délicatesse. M. Dorvaux est le maître, mon frère, dit Thérèse avec un sang-froid qui frappe tous les assistants. Nous n'avons qu'à nous incliner devant sa volonté. Fulgence ne perd point cette occasion de faire remarquer à ses amis que si le frère a des scrupules, la sœur n'est guère embarrassée de les lever. « Quelle comédie » ajoute-t-il en haussant les épaules. La lecture finie, Clément s'adresse encore à M. Dorvaux. « Une clause a été omise, monsieur. »« Laquelle ?»« Celle qui doit, ainsi que cela a été convenu entre nous, déterminer le séjour de ma sœur. »« De pareilles conventions, » répond M. Dorvaux, « ne seraient-elles admises par deux familles honorables ?»« M. Dorvaux a raison, » dit Thérèse, toujours avec le même calme. « Une femme ne doit point vivre séparée de son mari. » Nouveau mouvement de Fulgence auquel répondent quelques sourires moqueurs de ses amis. « Oh, l'hypocrite !» pensa Mademoiselle Mélanie, dont le dépit éclate dans son regard, malgré les efforts qu'elle fait pour le dissimuler. « Et moi qui, tout à l'heure, comme elle se jouait de ma crédulité !» M. Dorvaux lui-même ne peut s'empêcher de penser qu'il y a loin de l'acceptation facile de Thérèse, au rigorisme dont Clément a fait la veille, ainsi fastueux étalage. Enfin, la plume a passé de main en main. Toutes les signatures sont apposées au bas du contrat. Le notaire va serrer la minute dans son portefeuille. « Un moment, monsieur, dit Thérèse en lui prenant l'acte des mains. » Alors elle s'avance vers M. Dorvaux et d'une voix émue. « Monsieur, lui dit-elle, si j'avais aimé votre fils, je bénirais un acte qui ferait de moi sa femme. Si j'étais ambitieuse, cet acte encore comblerait mes vœux en m'assurant une fortune et un rang auquel il ne m'était point permis de prétendre. Si j'avais une faute à couvrir, le soin de mon honneur me forcerait à subir la réparation qui m'est offerte. Cela n'est pas. Mon cœur appartient depuis longtemps à mon cousin Marcel, l'ami de mon enfance, et je ne puis être l'épouse de M. Fulgence sans renoncer au bonheur. Ma seule ambition est de retourner au pays où je suis né, pour y vivre ignoré auprès du mari de mon choix. Mais il a plu à M. Fulgence que, par je ne sais quel motif, d'employer une combinaison odieuse pour ternir ma réputation. Une seule réparation pouvait me satisfaire. C'était que les personnes présentes à l'offense fussent bien convaincues que j'étais victime d'un mensonge et d'une calomnie. Je vous ai donc prié de les réunir ici, afin de pouvoir vous dire devant elles « Votre fils n'a le droit à aucun titre de me donner la réparation que vous avez exigée de lui, et c'est moi qui refuse d'être sa femme. » Thérèse, en parlant ainsi, déchire au grand étonnement de tous le contrat dont elle laisse tomber les morceaux sur le parquet. « Bien, ma sœur, » s'écrie Clément. « Monsieur Dorvaux contemple Thérèse avec admiration. « Tout à l'heure, je vous subissais, » lui dit-il. « À présent, je vous regrette. » Mademoiselle Mélanie est plus étonnée que touchée. Quant à Fulgence, il compose sa physionomie de manière à ne pas rendre sa joie trop scandaleuse. Thérèse a mis sa main dans la main de l'heureux Marcel. « Je puis maintenant accepter ta proposition. Je retournerai au pays et je t'y attendrai. »